Là, c'est la centrale des Mecs-Recos sur le ruisseau du Ventron. C'est une centrale qui turbine 1,2 m3 par seconde et qui fait 450 kW pour une chute de 48 mètres.